France Inter, il est 13h et pile 20 minutes. Nous retrouvons Patrick Penaud. Rendez-vous avec X. Mais c'est un pot de chambre, on va nous pisser dessus de tous les côtés. L'homme, qui s'exprime aussi trivialement, est un capitaine des services de renseignement français et il parle de Dien Bien Phu. La cuvette de Dien Bien Phu, où l'armée française va connaître l'un des plus grands désastres de son histoire. Une défaite qui efface presque d'un seul coup des décennies de présence française en Indochine. Mais que s'est-il vraiment passé à Dien Bien Phu? 50 ans après cette catastrophe, au cours de laquelle des milliers de soldats ont trouvé la mort, peut-on clairement et objectivement déterminer les responsabilités des uns et des autres? Les hommes politiques de la 4e République se sont généralement défaussés sur les militaires. Leurs chefs ont fait un choix désastreux en fixant l'élite de l'armée dans une cuvette difficilement défendable. Pour les généraux, la faute originelle, au contraire, revient aux différents gouvernements de la 4e République, incapables de tracer une ligne claire et coupable d'avoir laissé l'armée s'embourber en Indochine sans lui donner les moyens de lutter efficacement contre les combattants communistes du Viet Minh. Il faudrait encore ajouter que ces généraux n'étaient pas d'accord entre eux, en particulier sur le choix de Dien Bien Phu. Mais au fond, la véritable explication n'est-elle pas que le contingent français était condamné à perdre face à une armée révolutionnaire et nationaliste, tout comme les Américains 20 ans plus tard. Dans ce nouvel entretien, Monsieur X revient sur les fautes des uns et des autres et sur cette question que certains posent toujours aujourd'hui. À Dien Bien Phu, l'armée française a-t-elle été trahie? France Inter, rendez-vous avec X. Une précision d'abord avant de commencer. On a toujours parlé de la cuvette de Dien Bien Phu. Géographiquement, c'est inexact. Il faut expliquer là. Le site de Dien Bien Phu, au nord du Tonkin et tout près de la frontière laotienne, est en réalité une vallée longue de 16 km et large de 10. C'est donc pas tout à fait une cuvette. Alors pourquoi cette appellation? Parce qu'elle est bordée de petites montagnes d'une hauteur de 700 mètres. Des montagnes qui dominent donc cette vallée. Oui, oui. Et d'où les combattants Viet Minh pouvaient menacer les troupes françaises. En effet, oui. Mais les stratèges de notre armée estimaient que Giap, le commandant en chef de l'armée Viet Minh, ne pourrait jamais y acheminer d'artillerie. Pourquoi là? À cause des difficultés du terrain? Oui, c'est exact. Jungle, crête abrupte constituaient des obstacles quasi infranchissables. Enfin, c'est ce que pensaient les généraux français. Oui, parce qu'ils se sont lourdement trompés, mais nous allons y en revenir. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est qu'il est faux de parler de cuvette. Ouais, ça j'ai bien compris. Alors, par où commencer, hein? Bon, écoutez, je vais quand même pas vous faire l'histoire de la guerre d'Indochine, ça serait peut-être un peu trop long. Alors, voyons ce qui se passe au début des années 50. La guerre a commencé en 1946. Les combats se livrent essentiellement au nord. C'est du Rotonquin. C'est ça. L'armée française, uniquement composée de soldats de métier et de supplétifs vietnamiens, est officiellement là pour aider le gouvernement de Saïgon à lutter contre la guérilla communiste. Et car en principe, le Vietnam est indépendant. Oui, enfin, une indépendance toute formelle, oui. En réalité, c'est Paris qui tire les ficelles. Paris qui a aussi signé des accords avec deux États associés, le Cambodge et le Laos. Mais dans le cadre de l'Union française. Oui, oui. La victoire de Mao à Pékin, puis le commencement de la guerre de Corée ont complètement changé la donne. Ouais, parce que c'est désormais la lutte de l'Occident contre le communisme. Naturellement. En gros, hein. Oui, oui. Et avec l'aide matérielle de la Chine, le Viet Minh inflige de lourdes pertes aux troupes françaises. Toutefois, la situation se rétablit en 1951, grâce à la nomination du général Delattre au haut commandement, mais aussi à la livraison de matériel américain. Une aide qui ira en grandissant. À la fin, en 1954, on estimera que la guerre est financée à 80% par les États-Unis. Mmh. Une question avant de poursuivre, là. Mmh. Comment réagit-on en métropole? Bon, d'abord, les Français ne se sont guère intéressés à ce conflit lointain où n'étaient engagés que des soldats de métier. Mais la série de désastres de l'année 1950 provoque un choc dans l'opinion. Il y a ceux qui protestent contre ce qu'ils appellent la sale guerre. Les communistes, j'imagine. Essentiellement, oui. Le parti est alors très puissant. Mais il y a aussi des hommes qui pensent qu'il faut en finir avec le Viet Minh et même envoyer le contingent en Indochine. Les gaullistes en particulier. Il faut ajouter que tout cela se passe dans un climat délétère. L'instabilité gouvernementale? Pas seulement. Souvenez-vous, car nous en avons déjà parlé, il y a l'affaire des généraux. Ah oui, le rapport Revers. Oui, Revers. Patron de l'armée de terre, fait une tournée d'inspection en Indochine et rédige un rapport assez pessimiste sur la situation militaire. Or, ce document secret destiné au gouvernement tombe entre les mains du Viet Minh, qui se paie même le luxe d'en diffuser des extraits sur sa radio. Ouais, et là, c'est le scandale. Ah, bien sûr. Revers finira même par être limogé, bien que la responsabilité de la fuite n'ait pu lui être véritablement imputée, mais enfin, passons. Un peu plus tard, il y a ensuite un nouveau scandale, celui du trafic des piastres. Oui, on en a aussi parlé. Alors, inutile d'y revenir. Bon, disons simplement, pour ceux de vos auditeurs qui n'auraient pas écouté cet entretien, que la surévaluation de la piastre a permis à de nombreux margoulins de s'en mettre plein les poches. Oui, certains de ces margoulins appartenant à la haute administration. Hein. Ou à l'armée. Ouais. Oui, le scandale atteindra son comble quand on découvrira que ces combines ont aussi permis au Viet Minh d'acheter des armes. Mais si vous le voulez bien, revenons sur le terrain. Oui. En 1952, il se produit un événement très important. L'inauguration d'une nouvelle stratégie par l'armée française. De quoi s'agit-il alors? Eh bien, selon ses inventeurs, c'est la technique du hérisson. Hérisson. Oui, je m'explique. On construit une véritable forteresse, un camp retranché autour duquel on installe un certain nombre de points d'appui. Et on attend l'ennemi qui ne manquera pas d'attaquer. C'est ce qui se passe? Oui. À Nansan, une bourgade au nord-ouest de Hanoï, Jap lampe ses meilleures divisions contre ce hérisson. La bataille dure plusieurs jours. Les assiégés résistent avec succès. Et de guerre lasse, le général vietnamien doit ordonner le repli. 3000 combattants Viet Minh ont été tués ou blessés. Ah oui, ça c'est une victoire pour les Français. Incontestablement. Ah. Et ça donnera des idées aux stratèges de notre armée. Enfin, n'allons pas trop vite. Ah, mais bien entendu. Alors, arrêtez de vous moquer. Au printemps 1953, donc, un nouveau commandant en chef est nommé en Indochine, le général Navarre. Qui est ça? C'est un spécialiste du renseignement. Un homme brillant, mais qui est surtout un militaire d'état-major et qui ignore tout de l'Indochine. À noter qu'il remplace le général Salan, qui était certainement l'officier qui connaissait le mieux le pays. Alors, pourquoi le remplacer? Le gouvernement de René Meyer entend mener une politique nouvelle. Donc, à politique nouvelle, homme nouveau? C'est cela, oui. Et cette politique nouvelle, là? L'opinion française est lasse. Il faut donc en finir avec la guerre d'Indochine. Mais pas n'importe comment. Il faut en sortir par le haut, c'est-à-dire en étant en position de force. Et ensuite, on négociera. Exactement. Navarre doit donc montrer les dents et neutraliser, sinon vaincre, Giap. Et il conçoit un plan en deux phases. La première, qui couvre la campagne 53-54, consiste à s'assurer de solides positions défensives au Tonkin. Tandis qu'au sud, on poursuivra la politique de pacification. Et la seconde phase, hein? Ces objectifs étant atteints, en 54-55, on livrera une bataille décisive au nord. Et à votre avis, c'est jouable? Pourquoi pas? Salan lui-même avait pensé à un tel plan avant de devoir regagner Paris. Et ça commence plutôt bien. Des raids aéroportés permettent la destruction de plusieurs stocks d'armes cachés dans des grottes au nord. Mais une autre question essentielle se pose tout de suite, celle du Laos. Pourquoi le Laos, là ? Chap a tiré les leçons de ses récents échecs. Il cesse d'attaquer à Hanoï et dans le Delta et dirige ses divisions vers le nord-ouest. C'est-à-dire vers le Laos. Et le pays Thaï, oui. Et effectivement, les troupes du Viet Minh menacent le nord du Laos. Ouais. Laos, rappelons-le, État associé à la France. Oui, et maintenant soumis à la pression communiste. Au mois de juillet 1953, Navarre est convoqué à Paris. Il doit présenter son plan pour l'Indochine au comité de défense nationale. Mais bien sûr, on parle aussi beaucoup de l'affaire laotienne. Doit-on ou non défendre le Laos ? C'est en effet la question. Une question que l'on pose au général Navarre. Alors, réponse Le commandant-chef est très clair. Oui, il faut défendre le Laos contre l'agression communiste. Mais avec les moyens dont il dispose, Navarre n'est pas sûr de pouvoir faire barrage au Viet Minh. Ça, au moins le mérite d'être clair. Et Navarre réitère son point de vue au cours d'une réunion qui se tient à l'Élysée en présence du président de la République et des principaux ministres. Oui. Résultat ? Rien. C'est-à-dire ? Aucune décision n'est prise. On parle bien de faire appel à l'aide américaine et même éventuellement d'expédier quelques renforts en Indochine, mais c'est tout. Bref, vous l'avez compris, c'est à Navarre de se débrouiller tout seul. Or, il avait demandé qu'on lui donne des instructions bien précises. Et voyez-vous, dans cette indécision, il y a déjà en germe la catastrophe future. Enfin, pour Navarre, le pire n'est pas encore arrivé. Quoi encore ? Quelques jours après cette réunion gouvernementale, une nouvelle fuite se produit. Et ça ressemble vraiment à une tentative de sabotage. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. En dehors même de cette fuite dont nous allons reparler, Navarre ne peut guère être satisfait de ce qu'il constate en Indochine. J'emprunte ces quelques lignes à Jacques Dalloz, auteur d'une histoire de l'Indochine. Le tableau de la situation que le nouveau commandant-chef dresse à son arrivée à Saïgon est plutôt sombre. Les forces dites de l'Union française ont un léger avantage numérique sur le Viet Minh, 450 000 hommes contre 400 000. Les calculs ultérieurs faits par les Américains vont prouver que, s'agissant d'un conflit de ce type, les forces de la répression n'ont de chance de l'emporter que si elles sont au moins 10 fois supérieures à celles de la guérilla. Du côté français, la qualité des troupes est très inégale. La combativité des soldats indochinois laisse souvent à désirer. C'est une armée bigarrée, à minorité métropolitaine de plus en plus faible, où les raisons de se battre sont diverses et pour beaucoup peu évidentes, et qui fait face à un ennemi homogène au but de guerre simple. L'encadrement pêche aussi. Les officiers ne font qu'un séjour limité en Indo. Leur expérience de ce genre de combat est donc inférieure à celle de leurs adversaires, et surtout, ils sont trop peu nombreux. En d'autres termes, le corps de bataille français, et Navarre n'est pas le premier à déplorer cette infériorité, équivaut au tiers du corps de bataille adverse. Alors cette fuite ? Un journal, France Observateur, en l'occurrence, publie l'essentiel de ce qui s'est dit au cours de ce conseil gouvernemental. Et surtout, cette information capitale, Navarre a reconnu ne pas être en mesure de défendre efficacement le Laos. Ah oui, alors ça donne une précieuse indication au Vietnam. Ah, forcément. Et qui a parlé ? Mystère. Les journalistes n'ont fait que leur métier, mais il est presque certain que l'auteur de la fuite, sans doute un ministre, a voulu d'une certaine façon hâter la fin de la guerre. En montrant que le contingent français n'était plus capable de faire face au Viet Minh. Je le pense, oui. Ouais. Et ça pèsera très lourd dans la suite des événements et naturellement dans le désastre de Dien Bien Phu. Alors, justement, venons-en à la genèse de ce drame. À son retour de Paris, Navarre, bien qu'on ne lui ait pas donné de vraies directives, croit avoir compris que le gouvernement voulait défendre le Laos. Il décide donc de réitérer l'opération Nassan. Mmh, le hérisson. Oui, oui, et il choisit le site de Dien Bien Phu, au nord du Tonkin, car il estime pouvoir ainsi couper la route du Laos aux troupes du Viet Minh. Certes, Navarre n'ignore pas que Dien Bien Phu se trouve loin des aérodromes du Delta et que s'il faut organiser un pont aérien, ça posera quand même quelques difficultés. Mais après tout, les soldats de Jap se trouveront aussi très loin de leur base arrière. En outre, dans cette plaine très plate, on pourra faire évoluer des blindés en cas d'attaque. Cependant, vous avez parlé dès le début de cet entretien, il y a une plaine, mais il y a toutes ces crêtes qui dominent le site. Ben, je vous l'ai dit, le commandement français estime qu'il sera impossible d'y installer des canons susceptibles de menacer le camp retranché et la piste d'aviation qu'on va y construire. Il faut le dire tout de suite. La décision de Navarre est approuvée par la plupart des chefs militaires, même ceux qui, plus tard, lui reprocheront son choix. Mais vous avez dit la plupart, il y a donc quand même des officiers qui conteste cette décision. Oui, l'un en particulier, le colonel Bastiani, chef d'état-major du commandement au Tonkin. Bastiani connaît parfaitement le pays. Vous voulez dire à la différence de Navarre ? Oui, c'est vrai. Et il affirme qu'il est complètement illusoire de vouloir couper la route au Viet Minh. Pourquoi ? Parce que, dit-il, c'est une notion purement européenne. En réalité, le Viet passe partout. Mais ce Bastiani n'est pas écouté ? Non, malheureusement. Et en novembre 1953, les parades Bijar sautent au-dessus de Dien Bien Phu et en chasse aussitôt la petite garnison nord-vietnamienne qui s'y était installée. C'est le début de l'opération Castor, c'est-à-dire l'édification du camp retranché de Dien Bien Phu. Un formidable ouvrage, encore plus solide que le hérisson de Nassan. Bientôt, 12 000 militaires et parmi les meilleurs vont occuper le site sous le commandement du colonel de Castres. La position, alors, semble inexpugnable. Oui. Et les Français sont persuadés de pouvoir résister victorieusement à l'attaque Viet Minh qui se produira tôt ou tard. Car c'est bien ce que l'on cherche. Il faut engager le bras de fer avec Giap et lui prouver qu'il est dans l'impossibilité d'emporter une décision militaire. Un émissaire venu de Paris l'a d'ailleurs confirmé à Navarre, dans la perspective d'une éventuelle ouverture de pourparlers avec le Viet Minh. La France doit se trouver en position de force. Ouais. La mission du général Navarre est donc claire. Même si on lui a refusé les renforts qu'on lui avait plus ou moins promis, à lui d'ajuster ses plans aux moyens dont il dispose. Ouais, bref, une fois de plus, débrouillez-vous. Exactement. Pour parler poliment. Ouais, ce qui n'empêche nullement le commandement français de rester optimiste. Et pourtant, on commence à percevoir de nombreux signes inquiétants. Quoi ? Les services de renseignement qui ont réussi à casser les codes radio du Viet Minh font état d'un renforcement considérable de l'aide militaire chinoise. Ils annoncent aussi que Jap a ordonné à ses plus importantes divisions de faire mouvement vers Dien Bien Phu. C'est bien ce qu'espère le commandant français, non ? Tout à fait. Mais les stratèges ont largement sous-estimé l'ingéniosité des Vietnamiens. Je ne sais plus qui a dit, Jap, je crois, que le peuple vietnamien était traditionnellement un peuple de terrassiers. Et le Viet Minh va bientôt en donner la preuve. C'est-à-dire ? Les troupes de Jap sont accompagnées par une myriade de travailleurs et de coolies. des dizaines de milliers d'hommes qui creusent des routes, des abris souterrains, des casemates, et acheminent à vélo ou à dos d'homme des pièces d'artillerie et de DCA sur les flancs des crêtes qui entourent Dien Bien Phu. Et les Français ne s'en rendent pas compte? Non, les Vietnamiens travaillent à l'abri de la jungle. Donc ils demeurent invisibles, c'est ça? Oui, et même les reconnaissances aériennes ne permettent pas de repérer ce travail de termite. Donc le camp français vit dans l'ignorance du danger qu'il menace. C'est la vérité, oui. Mais la pièce, la tragédie, devrais-je dire, se joue aussi loin du Vietnam, à Berlin, précisément. Ah oui, c'est à la conférence de Berlin, c'est oui, ça? Oui. En janvier 1954, les quatre puissances qui occupent toujours l'Allemagne doivent se retrouver pour aborder les grandes questions qui restent en suspens entre les alliés d'hier. Mais il est certain qu'on y parlera aussi du conflit indochinois, au moins dans les couloirs. Ça va être le cas? Bah, évidemment. Et on y décidera même la tenue d'une autre conférence internationale à Genève. Conférence uniquement destinée à se pencher sur la situation en Asie. Donc sur la question indochinoise. Bien entendu. Français et Viet Minh mettent de grands espoirs dans cette conférence. Pas les mêmes, j'imagine. Naturellement. Du côté français, on pense qu'il ne faut pas prendre de risques militaires inutiles. Le statu quo, quoi. Oui, en attendant une victoire probante. Et du côté Viet Minh? On pense au contraire qu'il faut redoubler d'efforts. En effet, Ho Chi Minh et les siens n'ignorent pas que l'opinion française est lasse et veut en finir au plus vite. Ils savent aussi qu'à Paris, de plus en plus de hauts responsables politiques désirent entamer des négociations. Par conséquent, ils veulent marquer des points décisifs avant la future conférence de Genève. Mais est-ce que cette volonté-là se traduit sur le terrain? Oui. Oui, Jap a même fixé la date de son assaut, le 25 janvier 1954, c'est-à-dire le jour même où doit s'ouvrir la conférence de Berlin. Mais au tout dernier moment, le général vietnamien renonce. Que s'est-il passé, là? À mon avis, Moscou a dû lui demander d'attendre. Et le Viet Minh n'était pas en mesure de s'opposer à un ordre venu du Kremlin et qui participait aussi très largement à son approvisionnement en armes et en matériel. D'accord, mais enfin, pourquoi attendre? Les experts militaires soviétiques ont dû estimer que leurs alliés du Viet Minh n'étaient pas encore tout à fait prêts pour être en mesure de vaincre à Dien Bien Phu. D'autre part, Moscou voulait aussi attendre l'annonce officielle de l'ouverture de la conférence de Genève prévue pour la fin avril. Et après tout, ce report permettait à Jap de peaufiner ses plans et de renforcer son dispositif d'encerclement du camp retranché français. Donc c'était plutôt bénéfique pour lui. Oui, je le crois, oui. Mais avant de voir la suite, c'est-à-dire le véritable engagement, je dois vous parler d'un fait particulièrement troublant. Fin janvier 1954... C'est-à-dire au moment, janvier 1954, au moment où Jap décide de reporter son assaut sur Dien Bien Phu. Exactement, c'est ça, hein? Oui. Donc à cette date, le général Blanc, patron de l'armée de terre, fait une tournée d'inspection en Indochine. Et naturellement, il se rend à Dien Bien Phu. Et lorsqu'il en revient, il est très pessimiste. Pour quelle raison? Je vais vous expliquer. Auparavant, il faut souligner, car c'est excessivement important, que le général Blanc rédige un rapport sur ce qu'il a observé et les conclusions qu'il en tire. Oui. Or, ce rapport ne sera jamais communiqué au commandant en chef, le général Navarre. Alors même que ce texte a été remis au ministre de la Défense, René Pleven, et au secrétaire d'État à la guerre, Pierre de Chevigny. Mais attendez... On est certain que Navarre n'a jamais eu connaissance de ce texte? C'est en tout cas ce que Navarre a toujours affirmé. Et puis pourquoi douter de sa parole? Ouais. Alors dans cette mesure, on peut parler de trahison. Car si le commandement avait lu ce rapport, le pire aurait pu sans doute être évité. Thank you. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le général Navarre a été le bouc émissaire du désastre de Dien Bien Phu. Toutefois, même s'il a vraisemblablement fait un choix malheureux en voulant fixer l'armée de Jap à Dien Bien Phu, il n'en a pas moins été souvent très lucide. C'est l'opinion de Philippe Franchini qui écrit ceci dans son ouvrage « Les guerres d'Indochine ». Le commandant en chef en vient à redouter un étouffement du camp par neutralisation des pistes d'atterrissage et d'artillerie ou par une dislocation du système défensif dû à de nouveaux moyens. Il fait part de ses craintes au général Cogny et au colonel de Crèvecœur et prescrit d'étudier les plans d'une évacuation envisagée en toute dernière extrémité. Afin de ne pas provoquer des moines et de perturber le moral, Ariane, repli et recueil des unités, et Xénophon, dégagement par la vallée de la Nampou, sont présentés au colonel de Castres comme des recherches de sortie profonde en cas de retraite de l'ennemi. Le résultat en sera d'ailleurs totalement négatif et le général Cogny conclura une quasi-impossibilité de l'entreprise vouée à un désastre inéluctable. Toujours est-il que le 1er janvier 1954, Navarre avertit le secrétaire d'État Jacquet que la bataille sera sans doute plus dure que prévu. Il précise qu'après avoir estimé à 100% les chances de la gagner, il ne saurait plus maintenant garantir avec certitude le succès devant l'appoint reçu par l'adversaire de matériels inattendus. Il insiste également sur l'importance primordiale de l'aviation et demande l'envoi des renforts aériens réclamés. Des renforts, selon Franchini, accordés par les Américains, mais qui arriveront trop tard. Donc, après votre dernière affirmation, deux questions se posent. Pourquoi le gouvernement français n'a-t-il pas transmis le rapport du général Blanc à Navarre? Et deuxièmement, que contenait exactement ce fameux rapport? Écoutez, il n'est pas facile de répondre à la première question. C'est vrai qu'il existait alors à Paris un vent très fort de défaitisme. On voulait en finir avec le boulet indochinois. Oui, ça c'est certain. Mais aurait-on pu pousser le cynisme jusqu'à se dire si Dien Bien Phu tombe, on ira plus vite vers la paix? Je n'ose quand même pas l'imaginer. Vous l'insinuez quand même. Bon, je suis bien obligé de le faire, tant cette affaire est incompréhensible. Mais la vérité est sans doute ailleurs. Le général Blanc était bien connu pour être un homme direct, très direct, avec des opinions très tranchées. Alors Pleven et les autres se sont peut-être tout bonnement dit que le général exagérait à souhait et qu'il était trop alarmiste. Ou encore qu'il était tout simplement hostile au plan Navarre, allez savoir. Et pourtant, il n'était pas le seul. Alors, qui d'autre encore contestait? Le patron de l'armée de l'air, le général Fay, avait noté que la sécurité de la garnison de Dien Bien Phu dépendait exclusivement de l'aide de l'aviation. Mais qu'en serait-il au moment de la saison des pluies, lorsque la piste serait inondée? Et ça aussi, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille du gouvernement? Encore que ce danger météorologique ait été excessivement exagéré, car la piste construite par les Français avait été bien drainée. Bien, alors venons-en à la deuxième partie, hein, le contenu du rapport Blanc. Le patron de l'armée de terre mettait lui aussi l'accent sur la saison des pluies qui risquait de transformer Dien Bien Phu en marécage. Mais ce n'était qu'un aspect de sa mise en garde. Blanc soulignait surtout qu'il n'existait à Dien Bien Phu aucune possibilité de sortie terrestre. Bref, c'était bien beau de fixer l'ennemi, mais en réalité, c'était ce dernier qui avait l'initiative et fixait à son tour une fraction importante de nos troupes. Et puis l'élite de l'armée, en outre, si je vous ai bien compris. C'est juste, oui. D'autre part, Blanc affirmait sans détour que la destruction des divisions Viet Minh était un leurre. D'ailleurs. Oui. Alors, que préconisait-il, lui? L'évacuation du corps tranché dans les plus brefs délais si l'armée française ne voulait pas perdre des milliers de combattants et les centaines et centaines de tonnes de matériel qui avaient été débarqués à Dien Bien Phu. Mais était-il encore temps à ce moment-là? Peut-être, à condition de faire très vite, car l'artillerie vietnamienne aurait aussitôt essayé de détruire la piste, ce qu'elle fera dès la mi-mars, lors du tout début de son offensive. Comment ça commence alors? Peut-être un mot avant. D'un côté, il y a à peu près 75 000 Vietnamiens. Mais tous ne sont pas des combattants. Certains sont des terrassiers qui vont creuser des centaines de kilomètres de galeries souterraines et de tranchées autour des casemates françaises. Et de l'autre côté? Ils sont 15 000, si l'on compte les hommes qui sont parachutés pendant le siège, dont encore une fois les parades Bijard qui s'étaient entre-temps retirés. Alors le commencement, le 13 mars. Le camp de Dien Bien Phu, qui vivait jusqu'alors dans une relative quiétude, subit un violent bombardement, un vrai déluge d'obus. Alors ça doit être une véritable surprise. Évidemment, car personne n'avait imaginé que Giap pouvait acheminer des pièces d'aussi gros calibre sur un terrain aussi accidenté. La surprise est d'autant plus cruelle que ces canons demeurent invisibles. Dès qu'ils ont tiré, ils sont dissimulés dans les grottes creusées sur le flanc de la montagne. Donc l'artillerie française ne peut pas les atteindre. C'est ça. Cette situation est si catastrophique que le commandant en chef de l'artillerie du camp, le lieutenant-colonel Pirot, se sentant à tort responsable de cet échec, met fin à ses jours. Ce qui ne doit pas arranger le moral des autres combattants. Certainement, car ça empire de jour en jour. Les premières positions fortifiées tombent les unes après les autres. Et très vite, la piste d'aviation est rendue inutilisable. Dien Bien Phu ne peut plus être ravitaillé que de nuit par des parachutages. Des parachutages forcément imprécis qui aboutissent souvent dans les lignes ennemies. En outre, il y a le problème des blessés qu'on ne peut plus évacuer et qui s'entassent dans des conditions épouvantables. Malgré tout, est-ce que les soldats français livrent des contre-offensives? Oh, certainement. Et elles sont particulièrement meurtrières. Il ne faut jamais oublier, même si Dien Bien Phu est une défaite, que les divisions de Giap compteront plus de morts et de blessés que le contingent français. Mais malgré le courage dont font preuve les assiégés, il faut aussi reconnaître qu'il y aura de nombreuses désertions dans les troupes autochtones. Oui. Et cette offensive est continue? Non. Il y a des accalmies au cours desquelles, très certainement, Giap continue ses manœuvres d'étouffement du camp français. Les tranchées, là? Oui, souterrain. Oui. Il apparaît assez vite que la situation de Dien Bien Phu ne fera qu'empirer, en dépit de la défense héroïque des militaires français. Alors Paris, une nouvelle fois, se tourne vers Washington. Pour demander de l'aide? Bien entendu. Et c'est ainsi que chefs militaires français et américains imaginent l'opération Vautour. Vautour, ça, il s'agit de quoi? Pas d'une campagne de bombardement massif sur les positions vietnamiennes. Bombardement opéré par des avions américains? Oui, par des forteresses volantes basées au Japon ou aux Philippines. Ce projet est résolument soutenu par la frange la plus anticommuniste de la classe politique états-unienne. Et en particulier par le vice-président Richard Nixon. Certains de ces faucons iront même jusqu'à imaginer de donner à la France des bombes atomiques tactiques. C'est sérieux, ça? Tout à fait. Mais je pense que le gouvernement français n'aurait pas accepté, malgré le désir de quelques bouts de feu, comme le ministre des Affaires étrangères, Georges Bidault. Ouais. Et le président lui-même, enfin, Ike Eisenhower? Bah, il est encore plus réservé. Il a pas envie que les États-Unis s'engagent militairement au Vietnam. C'est exact. Et ça correspond profondément aux traditionnelles réserves américaines vis-à-vis de la politique coloniale de la France. Oui, vous avez raison. En effet, il faut pas oublier qu'au début, Ho Chi Minh a même bénéficié de l'aide américaine. Ah oui, mais tout a changé avec la guerre froide. Toutefois, nombreux sont encore les hommes politiques américains qui stigmatisent le colonialisme français et refusent catégoriquement que leur pays s'engage dans le bourbier indochinois. Ouais. Pourtant, ça ne tardera pas à changer. Vous avez parfaitement raison. Ouais. Et dès que les Français abandonneront la partie en Indochine, les Américains nous remplaceront avec une grande hâte. Mais peut-être que nous en reparlerons un jour, car ça n'ira pas sans poser de sérieux problèmes entre les services secrets de nos deux pays. Ouais, je prends date. Enfin, quoi qu'il en soit, l'opération Vautour ne verra jamais le jour. D'autant que l'allié britannique s'y opposera fermement. Alors, à partir de ce renoncement, Dien Bien Phu est condamné. En effet. Et après plus de 50 jours d'une résistance héroïque, les soldats français, faute de combattants valides et de munitions, finissent par être submergés par les divisions de Giap. À noter quand même que jusqu'au dernier moment, des militaires français, souvent des volontaires, sauteront au-dessus de Dien Bien Phu pour venir en aide à leurs camarades. Et la suite n'est pas moins horrible. Oui, toute la garnison est capturée. Plus de 10 000 prisonniers, dont seulement 3 000 reviendront vivants des camps où les Vietnamiens les ont concentrés après une interminable marche dans la jungle. C'est horrible. Oui, ensuite ce sera la conférence de Genève et la paix. Grâce à Mendès France, oui, le nouveau président du Conseil français. Un homme qui, il faut bien le dire, rattrapera un peu des erreurs de ses prédécesseurs. Car pour obtenir une paix honorable, Mendès n'hésitera jamais à menacer ses interlocuteurs du Viet Minh. Certes, l'armée a été vaincue à Dien Bien Phu, mais il lui reste un formidable potentiel militaire. Et pour apprendre le combat? Bien entendu. D'autant que les divisions de Giap, après ce terrible engagement, ne sont plus très vaillantes. Enfin, il est trop tard. La défaite de Dien Bien Phu, qui a coûté la mort de dizaines de milliers d'hommes, a surtout été une victoire symbolique pour le Viet Minh. Les Vietnamiens ont fait la preuve qu'ils pouvaient abattre la puissance coloniale. Et ça aura un retentissement énorme dans le monde entier. Le tiers-monde surtout. Évidemment. Avec Dien Bien Phu, les luttes de libération nationale ne font que commencer. Alors, avant d'en terminer, je voudrais faire deux observations. La première est tragique. Ce que Mendès France et les représentants du Viet Minh signent à Genève, c'est-à-dire le partage du Vietnam en deux États, de part et d'autre du 17e parallèle, reprend exactement ce qu'avaient prévu en 1946 les accords Saint-Ni-Ho-Chi-Minh. Ben oui, 8 ans de guerre pour rien. Ben, on peut voir les choses ainsi. Deuxième observation. L'opium a sans doute joué un rôle dans la tragédie de Dien Bien Phu. Ben, il faut m'expliquer, là. Dans la région même de Dien Bien Phu, des montagnards, les Méo, cultivaient l'opium. C'était même leur principale ressource. Ils l'ont d'abord vendu au Viet Minh. Mais des hommes de nos services actions se sont mêlés de cette affaire. Et pour convaincre les Méo de combattre à nos côtés, ils ont proposé de contrôler le trafic et même de livrer la drogue à des bandes organisées de Saigon. C'est-à-dire que les militaires français, ben oui, sont devenus des trafiquants de drogue. C'est parfaitement exact. Et le haut commandement était au courant. C'est pourquoi d'aucuns ont soutenu que le choix du site de Dien Bien Phu avait aussi pour but de sauvegarder ce trafic, car les Méo cultivaient leur opium à proximité. Et ça vous paraît crédible ? Bah, écoutez, un grand spécialiste de l'Indochine comme Lucien Baudard n'était pas loin de le croire. Et il a écrit que l'opium était aussi, tant pour les Français que pour le Viet Minh, un objectif militaire. Un dernier mot, je l'emprunte au colonel de Castres, fait général à la toute fin de Dien Bien Phu. Après 18 ans de silence, il déclare « Qu'aurais-je pu faire de plus ou de mieux à Dien Bien Phu ?» Très vite, quand c'était possible, j'ai demandé que l'on évacue par air toutes nos forces, sauf 3 bataillons avec lesquels, restés sur place, j'aurais battu l'estrade. On nous demandait de tenir 15 jours, nous avons tenu 57 jours, c'est tout. Enfin, je vous signale la récente parution d'un livre de Roger Delpet, Dien Bien Phu, Histoire d'une trahison. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. À midi, prenez le temps de faire dorer une tranche de pain de campagne recouverte de jambon cru et de comté. Au four, le comté enrobe le jambon de sa belle couleur dorée. C'est fondant, vous fondez. Le comté nous apprend à savourer le temps. Comté. Si dans les jours qui viennent, on consolide la rumeur de la résurrection, c'est toute la face de la Terre qui en sera changée. Cette petite affaire galiléenne pourrait bien se transformer en un attentat réussi contre le monde entier. France Inter et le Théâtre Montparnasse présentent Jacques Weber dans l'Évangile selon Pilate de Éric Emmanuel Schmitt, mis en scène par Christophe Lidon. Retrouvez-les le 11 décembre à 18h10 dans C'est pas dramatique. L'Évangile selon Pilate, actuellement au Théâtre Montparnasse. Un spectacle France Inter. Vos rendez-vous cet après-midi sur France Inter, 17h-18h, système disque ou comment favoriser l'exportation des musiques françaises. Système disque est présenté par Vali. L'actualité cinématographique sur France Inter, c'est à 16h avec André Asseo au menu, deuxième partie du feuilleton François Berléand et Benoît Jacquot comme invité pour le film « À tout de suite ». Juste avant Cinéfilm et juste après le flash de 15h, c'est Isabelle Giordano qui vous rejoint avec son émission « Le monde selon WAM ». Aujourd'hui, les journaux lycéens. Et puis à suivre sur Inter, non pas Denis Chessou et C'est au de mon amour, mais un rendez-vous annuel, le Grand Prix du journalisme des radios francophones, présenté par Annette Ardisson. Bon week-end sur France Inter, il est 14h. Le point sur l'actualité avec Michel Khalifa. Bonjour. Bonjour. Les chômeurs manifestent cet après-midi dans plusieurs villes de France, à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse ou Bordeaux. Un seul mot d'ordre, la misère ne se gère pas, elle se combat. Les chômeurs veulent dénoncer la politique sociale du gouvernement, notamment certains aspects du plan de Jean-Louis Borloo qui est discuté actuellement à l'Assemblée. Ils réclament également une prime de Noël de 500 euros par chômeur. 3 jours après la victoire du oui au référendum interne sur la Constitution européenne, c'est l'heure des changements à la tête du PS. Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn et Jack Lang font leur entrée à la direction du parti. En revanche, Manuel Valls, Marie-Noël Linnemann et André Laignel, qui avaient fait campagne pour le nom, quittent l'instance dirigeante du PS. Ces changements ont été annoncés ce matin à l'occasion du Conseil national du Parti socialiste. En Corse, de nouveaux actes racistes ont eu lieu la nuit dernière à Lille-Rousse. Une dizaine de véhicules ont été incendiés ou endommagés.